Mais que faut-il pour vivre, mon gros gaga? Me faut-toi, mon gros gaga? Et tout s'envole. Et tout s'envole. Que faut-il? Pour être heureux, il me faut toi. Il me faut toi, ma chère Patou, ma belle Patou. Toi, Merlou, et toi, monsieur, allez faire le tour du pré au milieu de la nuit quand il y a le hibou. Ah, Merlou, tu t'en souviens? Sur le piquet qui s'envole. Patou, ma belle Patou, dans son tamis. Et bon monsieur sur mes genoux. Et mon gras qui veut des bisous. Se fait caresser comme pas possible, qu'il perd son poil, tu sais, il perd son poil. Il y en a un peu partout autour de nous. D'abord au virage, d'abord au pont du pré, en regardant l'horizon. Vous me manquez. Monsieur Crapaud, bravo, Patou, monsieur Merlou, Merlou, Patou, bravo, monsieur, bon, bravo, ma belle Patou, bon, bravo, Merlou. Vous me manquez, Patou, monsieur Crapaud, Merlou, vous me manquez. Il faut pour être heureux. Bon, bravo. Il me manque. Toi, Minou. Putain, ça fait si longtemps. Putain. vrai que ça fait si longtemps déjà. Et tout le monde manque mes copains. Sur mon dos, dans mon pull, sur ma tête, et Minou sur mon cou, vous me manquez mes amis, c'était le bonheur en fait, quand vous étiez là. D'ici. Je voulais partir, j'avais hâte que tout soit fini pour pouvoir être libre. Et maintenant, je suis pas plus libre, vous êtes plus là. Maintenant je suis en prison, toujours au même endroit, mais c'est la prison. Avant c'était la liberté, et pourtant je croyais pas que j'étais en liberté. Et maintenant c'est la prison. Comme quoi, c'est pas le lieu qui compte pour la liberté. C'est avec qui on est. Vous me manquez, mes amis.